غربي تيو تيو ترام غربي غربي love will prevail in the end Oh, accept your silence. Are you okay? Thank you. One good thing about you.

Yeah, man. Ouais, vous êtes fort, j'adore. For real? Joanne just went out to take a shit, but it's bullshitting us with his cold shower. I hate it. G flat? Is that it? G flat. Thank you. at your home and look eight. Oh, my new light over your phone and got deleted. Lentement des visages, toute cette industrie toca, je me déguise en loukoum géant sur un tapis volant plus velu que l'enclume volu du volant. Chanteur à plume, au bec musical, l'orchestre de la lune pour homme horizontal. Oudala, les mardis tranquille, je me déguise en loukoum géant. Sur un tapis volant, au volant velu d'un tapis volant. Quelques microscopiques fonctionnaires de vacances. Conscience m'en me pique pour me rappeler ma chance. Sans raison, il ne cesse de sévir comme une contravention pour excès de plaisir. Oh, à la flémardise tranquille, je me déguise en loukoum géant. Tapis volant, au volant velu, volant du tapis, je suis. Thank you.